الحمد لله بارئ البريات عالم الخفيات أحمده تعالى على نعمه المتتابعات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا أنداد وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمةً للعباد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم المعاد. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grande sagesse, a choisi pour son prophète les meilleurs des compagnons, qui sont la meilleure des créations après le prophète sallallahu après les prophètes alayhi salatu wa salam. C'est eux qui ont supporté cette religion et qui nous l'ont transmise. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le privilège de côtoyer la meilleure des créatures que la terre ait portée, Muhammad alayhi salatu wa salam. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit: Allah subhanahu wa ta'ala a regardé dans les cœurs de ses créatures, il a trouvé que Muhammad alayhi salatu wa salam avait le meilleur des cœurs. Allah azza wa jalla l'a donc choisi pour sa propre personne et pour transmettre son message. Il regarda ensuite dans les cœurs de ses créatures, il a trouvé qu'après Muhammad alayhi salatu wa salam, le meilleur des cœurs étaient ceux des compagnons, ridwanullahi alayhim. Allah azza wa jalla en a fait des émissaires qui combattent pour sa religion. Et parmi ses compagnons au cœur pur, il y a Uthman ibn Affan, le troisième calife et successeur de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des 10 à qui on annonça le paradis de son vivant. Il fait partie des premiers à être entré dans l'islam. Il fit les 2 émigrations et on l'appela Dhun-Nurayn, les 2 lumières, car il épousa 2 des filles du prophète alayhi salatu wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est éteint tout en étant satisfait de Uthman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam monta sur la montagne de Uhud avec Abu Bakr wa Umar wa Uthman. Et la montagne se mit alors à bouger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: sois tranquille, ô Uhud, tu as sur toi un prophète, un véridique et 2 martyrs. Rawahu al-Bukhari. Wa Uthman radiallahu anhu dépensa son argent dans le sentier d'Allah azza wa jal pour propager l'islam. Il équipa en armes une armée entière et il acheta le puits de Rumah et le donna aux musulmans. Abu Huraira radiallahu anhu a dit: Uthman acheta le paradis au prophète 2 fois, une fois quand il acheta le puits et l'autre quand il équipa l'armée entière. Et Uthman radiallahu anhu était généreux et doux et d'une extrême pudeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à son sujet: comment ne pourrais-je pas être pudique devant une personne dont même les anges sont pudiques? Ibn Umar radiallahu anhuma a dit: à l'époque du prophète, nous ne donnions pas d'égal à Abu Bakr, ensuite à Umar, ensuite à Uthman. Rawahu al-Bukhari. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit: celui qui veut suivre un chemin, qu'il suive le chemin de ceux qui sont décédés, c'est-à-dire les compagnons du prophète, parce que ceux qui sont vivants ne sont pas à l'abri de la discorde. Et les compagnons du prophète étaient les meilleurs de cette communauté, avec les cœurs les plus purs. Ils avaient la plus grande science et ils ne se donnaient pas une charge qu'ils ne pouvaient pas supporter. C'est des gens qu'Allah Azza wa Jal a choisi pour accompagner son prophète, pour appliquer la religion, pour appliquer sa religion. Reconnaissez-leur leurs bienfaits et suivez leurs traces. Accrochez-vous à ce que vous pouvez de leur comportement et de leur religion, car ils étaient sur la voie droite. Et Uthman radiallahu anhu était comme ses 2 compagnons, Abu Bakr wa Umar, bienfaisant, savant, et il craignait énormément Allah Azza wa Jal. Il gouverna la communauté musulmane 12 années durant lesquelles les victoires se sont multipliées, durant lesquelles les frontières du monde musulman se sont élargies. Uthman radiallahu anhu, pendant son califat, a réuni le Coran en un seul livre. Il était juste, miséricordieux, et il gouverna avec justesse et équité. Il appliqua la religion avec les actes et les paroles, et les gens l'ont aimé et furent satisfaits de lui. Et il était un adorateur invétéré et craintif, et il ne se lassait pas de la lecture du Coran. Il pria une nuit pendant la période du Hajj, pendant la période du pèlerinage, devant la pierre noire, en une raka'a, il récita tout le Coran. Ibn Umar radiallahu anhuma a dit au sujet du verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit: est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en adoration prosterné debout, redoutant l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur? Il dit ce verset, parle de Uthman radiallahu anhu wa ardah. Uthman disait: si nos cœurs étaient vraiment purs, nous n'aurions jamais été rassasiés des paroles de notre Seigneur. Et moi, je déteste qu'un jour passe sans que je ne lise le Coran. Et d'après Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, Il dit, j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il m'avait ordonné de surveiller la porte. Un homme arriva et demanda la permission d'entrer. Je demandai, qui est-ce? Il répondit, c'est Abu Bakr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, laisse-le entrer et annonce-lui le paradis. Ensuite, Omar radiallahu anhu arriva. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, laisse-le entrer et annonce-lui le paradis. Arriva ensuite Uthman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, laisse-le entrer et annonce-lui le paradis à cause d'une épreuve qui va le toucher. Et Uthman en entrant disait, ô Seigneur, fais que je sois endurant. Ô Seigneur, fais que je sois endurant. Et dans une autre version, c'est Allah le secoureur. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa Ka'b ibn Urjah dit, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoqua une épreuve. Il en parla comme si elle était proche. Un homme passa avec le visage couvert d'une capuche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui-là ce jour-là sera bien guidé. Ka'b radiallahu anhu dit, alors je me suis jeté sur cet homme et je l'ai saisi par le haut du bras. Je l'ai tourné vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai dit, celui-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, oui, celui-là. Et celui-là était Uthman radiallahu anhu. Et Aïcha radiallahu anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à Uthman, si Allah fait en sorte qu'un jour que tu gouvernes, si Allah azza wa jal fait en sorte qu'un jour tu gouvernes les musulmans et que les hypocrites veulent que tu délaisses la chose sur laquelle tu es, ne la délaisse pas. Et il lui répéta ceci trois fois. Et Aïcha radiallahu anha dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba malade, il dit, j'aurais aimé que certains de mes compagnons soient près de moi. Je lui dis, ô prophète d'Allah, veux-tu que l'on fasse venir Abu Bakr? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répondit pas. Nous lui dîmes alors Omar, il ne répondit pas. Nous dîmes Uthman, il dit oui. Uthman radiallahu anhu vint alors. Ils restèrent un moment seuls tous les deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui parla longuement et le visage de Uthman radiallahu anhu se transforma. Wa ibn Umar radiallahu anhuma dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parla d'une miséricorde, d'une discorde, et il dit en parlant de Uthman, celui-là s'y fera injustement tuer. On fit acte d'allégeance à Uthman radiallahu anhu trois nuits après l'enterrement de Umar radiallahu anhu arda. Et les grands compagnons lui firent acte d'allégeance pour reconnaître que c'était lui le calife et le gouverneur. Et vers la fin du califat de Uthman, quand le territoire de l'islam fut grandement élargi, certains jaloux de cette expansion voulurent arrêter cette progression. Ils voulurent désunifier les musulmans. Ils ont commencé à propager des mensonges au sujet de la politique de Uthman radiallahu anhu. Ils ont incité les gens à suivre leurs mensonges et leurs ambiguïtés, que ce soit en Égypte, Al-Kufa ou Al-Basra, qui sont en Irak. Et les gens ont été dupés par leurs paroles mensongères. Ils se dirigèrent vers Médine où ils rencontrèrent Uthman radiallahu anhu. Ils lui demandèrent de renoncer au califat. Uthman radiallahu anhu les invita à discuter dans la mosquée avec les grands compagnons. Il répondit à leurs questions, il réfuta leurs accusations et ils retournèrent alors dans leur pays, mais ils avaient en vérité caché leur mal. Ils s'étaient promis de revenir une deuxième fois à Médine pour avoir gain de cause. Ils continuèrent à faire leur propagande contre Uthman, le commandeur des croyants, et celui qui était le plus actif était la tête de cette discorde, Abdullah ibn Sabah. Il laissa des traces néfastes sur la population. Comme le dit Saïd ibn Musayyib, à l'époque de Uthman, une femme venait à Bayt al-Mal, c'est l'endroit où est-ce qu'on entreposait les richesses des musulmans. Elle venait pour prendre son aumône, elle revenait avec des biens énormes et des offrandes lourdes, mais malgré cela, elle disait, au Seigneur, change de gouverneur. « Oh Seigneur, enlève-le » en parlant de Uthman. Et le résultat de cette propagande mensongère fut qu'un groupe se forma en Égypte qui incitait les gens à se lever pour combattre Uthman. 600 personnes sur des montures venant d'Égypte se sont alors dirigées vers Médine, prétextant une umra, alors qu'en vérité, ils voulaient destituer Uthman radiallahu anhu du pouvoir. Uthman fit alors le prêche du vendredi et dit, « Oh Seigneur, j'implore ton pardon et je me repentis à toi. » « Ô Seigneur, je suis le premier des repentants pour les fautes que j'ai commises. » Puis il commença à pleurer et toute la mosquée se mit à pleurer. Et Uthman radiallahu anhu attesta qu'il appliquait ce que Abu Bakr wa Umar radiallahu anhuma ont appliqué et que sa porte était ouverte à celui qui voulait le voir. Après cela, les choses se sont un peu apaisées. Muawiyah radiallahu anhu envoyait une lettre à Uthman pour le mettre en garde contre ses opposants en lui disant « Ce sont des gens qui sont dénués de raison et ils n'ont aucune religion. Ils ne veulent en rien la récompense d'Allah. » Et quand ils parlent, ils n'ont aucun argument. Leur seul souci, c'est de semer la discorde et de s'accaparer les biens des gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala va les éprouver. Ensuite, il les humiliera et les avilisera. Ensuite, les gens de Basra, ainsi que leur chef, Abdullah ibn Sabah, et les gens de Kufa, se dirigèrent vers Médine en espérant destituer Uthman radiallahu anhu. Uthman guida la salat et eux priaient derrière lui, et ils l'accusèrent ensuite d'avoir écrit une lettre au gouverneur d'Égypte qui ordonnait de tuer et de crucifier ses opposants. Et ils imitèrent le sceau de Uthman. Uthman radiallahu anhu a dit: par Allah, je n'ai jamais écrit cela, mais ils ont falsifié mon sceau. Et pendant un des Jumu'ah, Uthman radiallahu anhu prêchait sur le minbar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme se leva et l'insulta en plein prêche. Il obligea Uthman radiallahu anhu à descendre du minbar. Ils s'approupèrent autour de lui jusqu'à ce que Uthman s'évanouisse. Il fut ensuite amené jusqu'à sa maison. Certains compagnons parmi eux, Abu Huraira, Ibn Umar, Zayd ibn Thabit, radiallahu anhum ajma'in, le visitèrent chez lui et lui dirent qu'il voulait le défendre contre ses opposants. Uthman, radiallahu anhu, leur dit en jurant et leur ordonna de ne rien faire et de se tenir tranquille jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète ce qu'il veut. Ensuite, les opposants de Uthman l'assignèrent à résidence. Uthman interdit quand même aux compagnons du prophète et à leurs enfants de les combattre parce qu'ils ne voulaient pas que le sang coule à cause de lui dans Médine. Et Uthman ne pouvait même plus aller à la mosquée. Et ils interdisaient aux gens de lui faire parvenir de l'eau et de la nourriture. Ils menacèrent de le tuer. Et à leur tête, Ibn Udayth al-Balawi, qui monta un jour sur le minbar pour prêcher le Jumu'ah. Il dénigra Uthman radiallahu anhu et l'insulta en incitant les gens contre lui. Et Sahl ibn Hunayf radiallahu anhu a dit: j'étais avec Uthman chez lui quand ils l'empêchèrent de sortir de chez lui, quand il fut assigné à résidence. Il vint vers nous alors que sa couleur a changé. Et il dit: ils m'ont dit qu'ils allaient me tuer. Nous lui dîmes: Allah Azza wa Jal te suffira contre eux, ô commandeur des croyants. Uthman radiallahu anhu a dit alors: pour quelle raison me tuerait-il? J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: le sang d'un homme musulman ne devient licite que pour trois raisons. Un homme qui a renié son islam, un homme qui commet l'adultère alors qu'il est marié, et un homme qui a tué une personne sans aucune raison. Par Allah, je n'ai jamais commis l'adultère ni dans l'islam ni avant. Et jamais je n'ai voulu changer de religion depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a guidé à l'islam. Et je n'ai jamais tué personne. Pourquoi alors me tuerait-il? Rawahu Ahmad. Et Uthman radiallahu anhu dit un jour à ses opposants, ceux qui voulaient le tuer: par Allah, si vous me tuez, jamais vous ne vous aimerez les uns les autres après cela. Et jamais vous ne prierez ensemble après cela. Et jamais vous ne serez unis pour combattre vos ennemis après cela. Ibn Kathir, rahimahullah, a dit: Uthman fut véridique quand il dit cette parole. Et l'épouse de Uthman, radiallahu anha, a dit: Uthman s'est endormi. Quand il se réveilla, il dit: ces gens-là vont m'assassiner. Son épouse lui dit: non, ô commandeur des croyants. Il dit: j'ai vu en rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr wa Omar qui m'ont dit: jeûne, Uthman, tu mangeras auprès de nous. Alors il jeûna. L'eau et la nourriture ne lui parvenaient qu'en cachette, passant de maison en maison. Il demanda qu'on lui apporte des pantalons qu'il mit pour pas que l'on voit ses parties intimes quand il sera mort, tellement il était pudique, radiallahu anhu wa ardah. Il commence à lire le Coran et se soumit au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne restait personne chez lui si ce n'était sa famille. Et malgré cela, ils s'introduisirent dans sa maison par effraction en sautant les murs et en brûlant la porte. Et Uthman radiallahu anhu était déjà âgé, puisqu'il avait plus de 80 ans. Ils n'ont même pas eu pitié de sa faiblesse. Et ils n'ont même pas respecté ses cheveux blancs, ni même le fait qu'il fut le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme entra dans sa chambre et l'étrangla tellement fort que son âme faillit sortir. Et un homme s'introduisit dans la chambre avec une épée et il frappa Uthman qui se protégea avec son bras qui fut coupé. Uthman radiallahu anhu lui dit: par Allah, c'est la première main qui a écrit les sourates de l'Mufassal, c'est-à-dire de sourate Qaf jusqu'à An-Nas, jusqu'à la fin. Ibn Kathir rahimahullah a dit: la première goutte de son sang qui est tombée sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te suffira contre eux, c'est lui qui entend tout et c'est lui qui sait tout. Ensuite un homme dénommé Rumman s'avança et lui dit: sur quelle religion es-tu, espèce de hyène? Uthman radiallahu anhu a dit: je ne suis pas une hyène, mais je suis Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Je suis Uthman ibn Affan, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je suis sur la religion d'Ibrahim, vouant l'adoration exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala, soumis musulmans, et je ne suis pas du nombre des associateurs. Son épouse arriva pour le protéger, mais ils la frappèrent d'un coup d'épée qui lui coupa les doigts. Ils tuèrent ensuite Uthman, son sang coula sur le Coran, et il mourut martyr le matin de Eid al-Adha, de l'année 35 de l'Égypte. Il fut enterré à Al-Baqir et son assassinat fut le début de la discorde entre les musulmans. Ibn Kathir rahimahullah a dit, après cet événement, beaucoup de gens regrettèrent et la plupart de ces ignorants qui s'étaient opposés à Uthman et qui l'ont tué regrettèrent leur acte. Ils se sont fait ressembler à ceux des enfants d'Israël qui ont adoré le veau en l'absence de Moussa et qui ont vu que leurs actes n'étaient pas bien et sur qui Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et quand ils éprouvèrent des regrets et qu'ils vinrent et qu'ils virent qu'ils étaient bel et bien égarés, ils dirent, si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas, nous serons certainement du nombre des perdants. Quand la mort de Uthman radiallahu anhu parvint aux oreilles de Sa'd ibn Abi Waqqas, il implora le pardon d'Allah et la miséricorde d'Allah pour Uthman et lut le verset suivant au sujet de ceux qui l'ont tué. Dit, voulez-vous que l'on vous dise quels sont les plus perdants en œuvre, ceux dont l'effort dans la vie d'ici-bas s'est égaré alors qu'ils pensaient faire le bien. Ensuite il dit, Seigneur, fais-les regretter cet acte. Ensuite reprends-les. Seigneur, fais-les regretter leur acte. Ensuite reprends-les. Et certains salafs ont juré qu'aucun de ceux qui ont assassiné Uthman n'est mort naturellement. Ils sont tous morts d'une mort brutale. Ibn Kathir rahimahullah a dit, ceci a plusieurs causes. D'abord les invocations de Sa'd qui sont exaucées, et certains salafs ont dit qu'aucun d'entre ceux qui ont tué Uthman n'est mort sans être atteint de folie. Mohamed ibn Sirin a dit, je faisais le tawaf autour de la Kaaba quand j'ai entendu un homme dire, Seigneur, pardonne-moi, même si je pense que tu ne me pardonneras jamais. Je lui ai dit, je n'ai jamais entendu une personne dire ce que tu dis. L'homme dit alors, j'avais pris un engagement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que si je pouvais frapper le visage de Uthman, je le ferais. Quand les gens priaient sur sa dépouille, je me suis approché comme si j'allais prier sur lui. J'ai saisi un moment d'inattention de la part des gens, j'ai levé le drap et je l'ai frappé au visage. Puis j'ai recouvert son visage. Et par Allah, dès que j'ai recouvert son visage, Allah subhanahu wa ta'ala m'a privé de l'usage de la main droite. Et depuis, je ne peux plus la bouger. Ibn Sirin rahimahullah a dit, j'ai vu sa main droite dure comme un bâton. Wa Hudhayfa radiallahu anhu a dit, la première des discordes fut l'assassinat de Uthman et la dernière ce sera Dajjal. Et quand Uthman fut assassiné, les cœurs se sont éparpillés et désunis, les problèmes se sont multipliés et les mauvais gens sont apparus et les pieux ont été écartés, et celui qui ne pouvait pas faire de problème commence à en faire, et celui qui voulait le bien fut empêché de le faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de Uthman et qu'il fasse que nous soyons de ceux qui l'aiment en Allah subhanahu wa ta'ala et qui suivent ses traces, et qu'il fasse que nous soyons réunis ensemble avec lui au paradis des délices. ثم صلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية فقد أمركم الله بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم اجمع شملنا ووحد كلمتنا وألف بين قلوبنا وأزل الغل من صدورنا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون